les chambres d'hôtel. Dormir dans les palaces et les chambres d'hôtel. Assez basta, fini basta. Images fabriquées, les feux braqués sur moi. Limousine, belle piscine et du sexe à pile. Limousine, belle piscine et du sexe à pile. Fabriqués, tous braqués sur moi. Mourir sur la scène, Dixie Dalida.